Le collège a été fondé sous François Ier. Le collège est absolument lié à la Renaissance. Il me semblait que une chaire au Collège de France avait pour vocation naturelle non seulement d'expérimenter, mais aussi d'écouter la façon d'expérimenter des autres. On faisait la queue pour entrer dans la petite salle numéro 8 du Collège de France, comme aujourd'hui on fait la queue pour aller au cinéma. Les cours du Collège de France par Meryl Moneghetti. Alors là, tout le monde est là, mélangé, scientifique, littéraire, philosophe, gens de toutes les langues. Enfin, et vous voyez, cette salle est remplie de souvenirs sur l'histoire du Collège de France. Voici, comme chaque jour de cette semaine, qu'on vise au cours du Collège de France auquel s'associe France Culture pour partager une recherche en marche, appréhender les mutations et les enjeux de notre monde dans un esprit interdisciplinaire. Comment faire face à un pouvoir qui se parodie lui-même? Quel est le machiavélisme de la série Game of Thrones? Comment les philosophes apprennent-ils aux tyrans à rendre la tyrannie supportable? Les gens seraient-ils affublés d'une sorte de répugnance physique contre la vérité, selon la formule de Klaus Mann, qui a signé « Contre la barbarie ». Patrick Boucheron, titulaire de la chaire « Histoire des pouvoirs en Europe occidentale, XIIIe-XVIe siècle », achève sa grande réflexion et sa tentative d'élaborer une méthode historique d'appréhension des fictions politiques dans le cadre de sa série de cours qu'il a donnée début 2017. De Game of Thrones à Tibère, à l'empereur Tibère, le médiéviste, spécialiste de l'Italie, met en valeur la pente de tout pouvoir à aller à l'abus de pouvoir. Les souverains ne s'arrêtent jamais et vont vers leur perte, nous dit-il. Patrick Boucheron cite l'empereur Tibère devant ses amis, et je reprends la citation, « Vous ne savez pas quel immense monstre est le pouvoir. » Et les intellectuels face au pouvoir tyrannique? Que penser de Dante qui semble se trahir et d'Albertino Mussato qui empile trois histoires pour faire rempart à la tyrannie? À côté de la comédie et de la tragédie, Patrick Boucheron note qu'il existe une troisième forme qui révèle les dévoiements politiques, de la satire au pastiche en passant par la parodie. Fidèle à sa pratique d'aller de l'actualité au Moyen-Âge et aux années 1930, dans cette dernière série d'interrogations, il observe les retournements de la satire du roman de Renard au roman de Fauvel jusqu'au dictateur de Chaplin. Et nous gagnons l'amphithéâtre du Collège de France le 21 mars 2017 pour le cours de Patrick Boucheron sur les fictions politiques, aujourd'hui, pastiche, postiche et pouvoir parodique. Les intellectuels croient à la magie. Ils croient au pouvoir enchanteur des mots. Ils croient qu'avec les mots, on change le monde. Donc, il croit à la magie, comme dans Harry Potter. C'est ce que Jean-Claude Milner, dans son Harry Potter à l'école des sciences morales et politiques, décrit, nous invitant à lire les livres de la série ou les films, à la manière d'une réflexion sur la manière de contrôler le savoir-pouvoir des enchanteurs. On a accusé Dante d'être magicien, on y reviendra, parce que, précisément, il croyait dans ce pouvoir ensorcelant des mots. Or, que dit l'expérience de Voldemort dans Harry Potter? Je cite Milner. Quand les philosophes, les historiens, les spécialistes de littérature et les lettrés en général décident de travailler au profit d'un pouvoir politique tyrannique, ce pouvoir devient presque impossible à vaincre et ses crimes presque impossibles à dénoncer. Il n'est pas nécessaire, je pense, de développer plus avant l'idée que les grandes séries populaires sont les fictions politiques de notre temps et que ce qu'elles mettent en jeu, justement, c'est toujours le pouvoir écrasant des intellectuels dans leur capacité à, je dirais, légitimer ou pas la tyrannie. Que l'on songe par exemple à Game of Thrones, tel que l'analyse le philosophe Mathieu Pott-Bonneville, notamment dans un livre collectif paru l'année dernière, ou il y a 2 ans, sous le titre Game of Thrones, série noire. Il y montre comment la série est de bout en bout machiavélienne. D'abord parce qu'elle rompt avec la temporalité classique de l'heroic fantasy, qui, c'est évidemment le cas dans Le Seigneur des Anneaux, se déploie selon un rythme ternaire de la providence chrétienne. Tolkien était un catholique convaincu, donc les hobbits quittent leur comté, rencontrent les puissances du passé, ce sont les rois anciens enterrés sous les tertres, ils arpentent joyeusement les montagnes avec les esprits de la nature, avant de rentrer dans un deuxième âge, qui est l'âge de la guerre, dans le conflit duquel ils sortiront, revenant vers leur belle comté qui devient le continent de la souveraineté et du salut. 3 âges, donc. Tandis que dans Game of Thrones, au contraire, le temps est toujours chassé devant. L'hiver arrive et c'est entièrement dominé par, commandé par le motif de la guerre. C'est un temps qui chasse. Et dès lors, il ne suffit pas qu'un bon roi accède au pouvoir pour que tout soit résolu. Pott-Bonneville cite une interview de George Martin dans le magazine Rolling Stone qui est très significative, où il s'écarte justement de Tolkien. Tolkien, dit George Martin, donc l'auteur de la série Game of Thrones, Tolkien peut dire qu'Aragorn devint roi et régna pour 100 années et qu'il fut sage et bon. Mais il ne pose pas la question quelle fut la politique fiscale d'Aragorn ? Maintenait-il une armée permanente ? Et qu'en est-il de tous ces orques ? Dès lors, Game of Thrones se situe dans la position machiavélienne de juger un gouvernement sur ses effets et non sur ses principes, et surtout de le juger sur sa capacité à conserver le pouvoir et non à le conquérir. Et à le conserver, c'est-à-dire, au fond, à lutter contre cette pente qui est la pente irrépressible de tout pouvoir à aller vers l'abus de pouvoir. À jauger donc la capacité des souverains à résister à la tyrannie de leurs affects. Et c'est cela qui est évidemment toujours très frappant dans Game of Thrones, c'est qu'on voit que les souverains ne s'arrêtent jamais. Ils en font toujours trop. Ils ne s'arrêtent jamais aux cruautés nécessaires, comme le disait Machiavel. Justement, ils vont vers leur perte. Et ceux qui doivent normalement les en empêcher, c'est leurs conseillers. Donc, je repose la question que j'avais lancée avant que nous nous quittions. Comment comprendre cette sourde attirance entre la tyrannie et la philosophie ? Dans un article qui est intitulé « Comment les philosophes ont légitimé la tyrannie », Pierre Vesperini décrit la manière dont les philosophes de l'Empire romain ont inventé le discours d'escorte du régime impérial stabilisé sous les Flaviens et les Antonins en développant 2 grands principes de légitimité. Et ces 2 grands principes de légitimité ont une robustesse dans la culture politique médiévale et moderne. Le premier tient au fondement théologique et cosmique du pouvoir de l'empereur qui est légitime parce qu'il s'inscrit dans l'ordre de l'univers. De là, 2 figures du pouvoir. L'empereur comme loi vivante, l'expression apparaît pour la première fois chez un certain Diotogène, un néo-pythagoricien un peu obscur, qui écrit un traité qui s'appelle « Sur la royauté », parce que c'est vraiment une pure légitimation de l'arbitraire, dire que le souverain est loi vivante. Mais l'expression, une fois lancée, elle passe dans la propagande augustinienne, puis dans les nouvelles de Justinien, pour fonder le principe de droit médiéval de la lex animata. Et ensuite, évidemment, on a lu Kantorowicz et on voit Frédéric II dit « La loi est en moi, je suis l'archive vivante, elle respire dans ma poitrine ». Enfin, on peut effectivement métaphoriser tout ça. Et c'est la construction, effectivement, par une métaphore organiciste, du fait que le souverain est la loi vivante. Cela s'invente, justement, dès le moment où on doit stabiliser ces pouvoirs impériaux romains. La seconde figure, elle nous est aussi très familière, c'est celle du pouvoir pastoral qui apparaît pour la première fois chez Suétone, prêtant ce mot à l'empereur Tibère qui refuse à ses gouverneurs d'augmenter les impôts. Un bon berger doit tondre ses moutons, non les écorcher. Ce qui paraissait très étrange à la philosophie romaine, de considérer effectivement le pouvoir comme pastoral, comme un berger. Mais en réalité, ça s'impose, et ce n'est pas lié au christianisme. Donc, le régimen pastoral, la gouvernementalité pastorale, n'est pas lié au christianisme, qui évidemment va le développer abondamment. Cette première justification du pouvoir autoritaire d'un seul, loi vivante et bon berger, procède dans les deux cas du politique de Platon. Elle procède du politique de Platon, tout comme la seconde justification en procède, puisque le pouvoir impérial est conforme à l'ordre divin du monde. Dieu ou les dieux ne peuvent choisir que des sages pour gouverner. Donc l'empereur est sage parce qu'il est maître de lui-même, parce qu'il sait se libérer de la tyrannie de ses propres passions. Et de là, un gouvernement des émotions, et notamment de l'ira, de la colère qu'Auguste sait maîtriser en récitant l'alphabet latin, dès qu'il commence à s'énerver, il récite les lettres, alors que Claude, lui, ne sait pas se contrôler, et il y a des descriptions chez Suétone proprement répugnantes de la manière dont il se tord le visage. Donc, le prince est sage aussi parce qu'il accepte la providence. Et il est sage enfin, parce qu'il accepte la compagnie des philosophes. Ce sont donc bien ces derniers qui apprennent aux tyrans à rendre supportable la tyrannie. Car celle-ci est une pente presque irrépressible, une pente glissante, disait Tibère, d'après les annales de Tacite. C'est Tibère qui dit les choses les plus importantes sur le pouvoir impérial. Il répétait que tout ce qui était mortel était incertain, que plus il obtenait de pouvoir, plus il se trouvait sur un terrain glissant. In lubrico, hein, lubrique. C'est ça, le terrain glissant. Vous ne savez pas quel immense monstre est le pouvoir, disait Tibère à des amis qui imprudemment le félicitaient. Vous ne savez pas quel immense monstre est le pouvoir. C'est dans Suétone. De même que le récit de son discours d'accession au pouvoir. Tibère règne de 14 à 37 de notre ère. Voilà ce qu'il promet. Je serai toujours semblable à moi-même et jamais je ne changerai mon comportement aussi longtemps que je conserverai ma santé mentale. Mais par principe, le Sénat doit prendre garde à ne pas se lier aux actes de quelque homme que ce soit, parce qu'un hasard peut toujours le transformer. Donc, l'empereur met préventivement en garde les sénateurs contre l'altération toujours possible de sa santé mentale, en montrant que, évidemment, il ne peut promettre que ce qu'il est au moment où il est égal à lui-même, droit, mais que le pouvoir étant une machine à jouir, la tyrannie étant animée d'un mouvement perpétuel, au sens classique, c'est-à-dire un mouvement dont l'effet est plus puissant que la cause, il se nourrit inévitablement d'excès, de brutalité, de cruauté, et c'est un immense monstre, et on y perd la raison. Et au moment où Tibère parle au Sénat, il dit « Je peux vous promettre que ce que je peux vous promettre jusqu'à ce que je devienne fou. » Mais la tyrannie est aussi cette machine qui, du fait même des excès de ceux qui l'exercent, travaille à sa propre perte. Comme le savait Xénophon, il disait au moins, il y a une consolation, c'est qu'il faut imaginer les tyrans malheureux, et ça c'est quelque chose que la pensée italienne prend à son compte, comme le savait par exemple Matteo Villani, qui est le continuateur de la Chronica de Giovanni Milani. De même que les tyrannies s'élèvent, grandissent et se consolident, de même grandit en silence, dans leur sein, le germe fatal, d'où sortiront pour elles le trouble et la ruine. Et nous voilà donc à nouveau, pour conclure, face au visage du tyran, face à celui qui, vous vous en souvenez peut-être, lors du premier cours, nous souriait du haut de son piédestal. Can grande della Scala, juché héros cavalier sur ce triomphe qui était le tombeau des Scaligères à Vérone, qui nous souriait pour dire « Venez, la tyrannie a été apaisée par les philosophes. Je suis bien entouré. Et venez aussi, les philosophes, continuer ce travail d'apaisement de la tyrannie. » Dante accepta l'invitation. Dante fit de Can Grande della Scala le dédicataire de la comédie en 1316, alors qu'elle était encore inachevée. Lorsque la mort surprend Henri VII, en août 1313, le rêve impérial à ce moment-là s'est évanoui. Les petits seigneurs auxquels il avait confié le vicariat, c'est-à-dire une délégation de son pouvoir souverain, ont désormais les mains libres. Et toute cette génération, celle de Dante, celle, on va en parler tout à l'heure, d'Albertino Mussato, celle de Marsile de Padoue, qui cherche dans l'empereur le défenseur Pacis, le défenseur de la paix, tous ceux qui ont cru en l'Empire, qui était effectivement l'incarnation de cette concorde possible, tout cela se retrouve avec ceux qui, les seigneurs, qui régnaient au nom de l'empereur et qui, une fois l'empereur disparu, évidemment, continue les mains libres à dominer. Et parmi eux, le seigneur de Vérone, Can Grande della Scala, cherche à attirer artistes lettrés à sa cour, faisant montre de sa volonté de bon gouvernement. Et si la seigneurie, c'est-à-dire à la fois le pouvoir d'un seul étendu à un territoire et la continuation de la commune par d'autres moyens, était l'avenir des valeurs civiques, et si c'était en tout cas la seule manière d'en résoudre l'inextricable conflictualité, en tout cas, Dante fait ce choix, qui est un choix complètement contraire à la tradition communale. Scandaleux. Enfin, c'est une trahison de sa culture politique florentine. Et il l'explique, et il le justifie. Et ce, dans une longue lettre, sur laquelle, effectivement, je dirais quelques mots. La longue lettre dédicatoire qu'il adresse alors à Can Grande della Scala, où il se fait le commentateur de son œuvre encore inachevée, est lui-même par rapport à la comédie qui est en train de s'écrire comme le glosateur par rapport à la Bible, où il va donc distinguer les différents sens allégoriques, réalistes, etc. Si l'on prend l'ouvrage allégoriquement, le sujet en est l'homme, en tant que par les mérites et démérites de sa vie, étant donné le libre arbitre, il va au-devant de la justice qui récompense et qui châtie, et donc en distinguant le sens allégorique du sens littéral, Dante applique à son propre texte la méthode de la glose biblique, donc il se consacre par ce coup de force qui est bien dans sa manière, n'avait-il pas déjà proposé dans la Vita Nuova une anthologie commentée de ses premiers poèmes. Et donc, évidemment, la souveraineté d'artiste qu'il construit par le commentaire de la comédie, je laisse de côté la question de l'authenticité peut-être douteuse de cette première partie l'épître dédicatoire à Can Grande de la Scala que Carlo Ginzburg notamment en doute, je pense qu'il n'y a pas trop à en doute, peu importe. Disons que c'est lui, ou si ce n'est pas lui, c'est en tout cas un continuateur qui, d'une certaine manière, a du matériau dantesque sous la main. Et en tout cas, la deuxième partie, où il justifie justement le choix de la seigneurie, nul ne doute de son authenticité. Et voilà ce qu'il dit. L'insigne éloge de votre magnificence, que la voie publique à l'air trépant en voltigeant, obtient des résultats différents chez différents hommes. Les uns s'exaltent en espérant la prospérité, d'autres s'affligent en craignant la ruine. À vrai dire, les louanges que l'on vous avait adressées me paraissaient autrefois bien exagérées par rapport à ce que l'on peut attendre des actions des modernes. Mais pour ne pas demeurer trop longtemps dans l'incertitude et pour vérifier avec mes propres yeux les choses que j'avais entendues, je me rendis à Vérone, comme la reine de Saba se rendit à Jérusalem et Palace sur l'Hélicon. Je puis donc y voir vos grands exploits, voir vos bienfaits et en profiter. Et alors qu'auparavant j'avais cru déceler de l'exagération dans les propos que l'on tenait sur vous, je dus reconnaître l'exceptionnalité de vos actions. Alors Dante, évidemment, à ce moment-là, on dirait qu'il prête le flanc à voilà ce que je disais. Alors, c'est vraiment une trahison de la des valeurs communales. Mais en réalité, comment le justifie-t-il? Précisément en s'écartant de la commune opinion, en travaillant à devenir souverainement indifférent à ce qu'on pourrait en dire. Mais le peuple, dans son ignorance, juge sans discernement. Et de même qu'il pense que le diamètre du soleil mesure un pied, de même, en ce qui concerne les mœurs, il se laisse tromper par sa sotte crédulité. Mais nous, à qui il est donné de connaître ce qu'il y a de mieux en nous, ne devons pas suivre les traces des troupeaux, mais nous sommes bien plutôt tenus de corriger leurs erreurs. En effet, ceux qui puisent leur force dans l'intellect et dans la raison et qui ont reçu le don divin de la liberté ne sont assujettis à aucun usage. Il ne faut pas s'en étonner, car ils ne sont pas inspirés par les lois, mais ce sont eux qui inspirent les lois. Donc vous voyez que tout le discours d'escorte dont je viens de parler, qui construit effectivement le fait que la tyrannie devient acceptable, se retrouve dans l'auto-justification de Dante, et qui est véritablement le discours de la manière dont la tyrannie est acceptée. Alors, évidemment, tous ne font pas ce choix. J'ai dit que avec Dante, d'autres, au couronnement de Henri VII, qui eut lieu à Milan en 1311, d'autres étaient là, et d'autres vont prendre des choix différents. Je vais en prendre un seul, qui va nous ramener à cette question que l'on a traitée tout à l'heure. C'est Albertino Mussato. Albertino Mussato, c'est un notaire de Padoue, qui est lui-même victime des troubles politiques qui assombrissent l'avenir de la commune. Il est accusé de trahison, il doit prendre la fuite pendant que le peuple saccage sa maison. Il prend les armes contre Vérone, et lorsqu'il rédige sa tragédie, dont je vais dire un mot, les Tchérinis, eh bien, la cité est vaincue militairement, pas encore assujettie politiquement. Les Dacarares deviennent seigneurs de Padoue, ce qui n'empêche pas Can Grande de la Scala d'assiéger la ville en 1319. Et pendant que Dante est passé au service du tyran qui conquiert la ville, eh bien, Mussato, lui, tente de mettre au travers de la tyrannie sa culture classique. Et les Tchérinis, c'est la renaissance de la tragédie dans l'Occident médiéval. C'est une œuvre de combat. Elle est lue publiquement le jour de Noël, 3 années de suite, en 1315, 1316, 1317. C'est le moment où Giotto peint les fresques du Palazzo della Ragione. Par l'image, par les mots, les amis de la liberté, à ce moment-là, tentent de défendre, disons, l'esprit de résistance. Et la portée de ces cérémonies civiques se mesure évidemment aux commentaires qui en est fait. Évidemment, Albertino Mussato, il s'inscrit dans le contexte social qui est celui de ce qu'on a appelé les préhumanismes avec Giuseppe Bilanevich, de ces notaires padouans qui redécouvrent Cicéron. Mais ça veut dire quoi redécouvrir Cicéron? Ça ne veut pas dire seulement redécouvrir les textes de Cicéron. Cicéron comme auteur. Mais comme l'a montré Carole Mabou dans une thèse récente sur le rôle de Cicéron dans l'idéologie communale, notamment comme auteur, mais comme personnage conceptuel, pour reprendre l'expression qu'on avait donc utilisée la fois dernière. À partir du moment où on redécouvre non seulement les traités de Cicéron, mais aussi sa correspondance, alors, d'une certaine manière, on le redécouvre comme personnage, dans son rôle politique. Et il est évidemment discutable dans ses choix politiques. Et alors, cela crée dans la culture politique, cela ouvre la possibilité, je dirais, d'un débat, d'un dialogisme. C'est un adversaire possible. Et donc, c'est avec cette culture vivante que, à ce moment-là, on tente de se débrouiller. Et l'appel à l'histoire constitue évidemment l'originalité de l'œuvre de Lecherinis. Pourquoi ? Parce que Mussato a déjà rédigé une fresque d'histoire immédiate. Il a fait l'histoire, la chronique de son temps, de 1313 à 1315. Il a fait aussi une histoire avant cette histoire du temps présent. Il a fait l'histoire de la chute du seigneur Gibelin et de Zelino da Romano en 1259, qui était l'homme de Frédéric II en Italie. Ça, c'est de l'histoire récente. Et Zelino meurt 2 ans avant la naissance de Mussato. Mais cette histoire est déjà travaillée par le mythe. Déjà, Henri VII avait sous sa plume le destin des héros de Sénèque. Déjà, les débuts heureux et prometteurs, puis la Fortuna Volubilis qui conduit le héros égaré à sa perte. Donc, au moment où, effectivement, Mussato fait le choix inverse de Dante, au moment où il tente de prendre toute sa culture classique et son histoire, et l'histoire immédiate de sa ville, et le passé récent, pour faire rempart à la tyrannie qui vient, il empile donc ces 3 histoires. Il empile Sénèque, et Zelino da Romano, et Dakara. Il prend pour cible un personnage contemporain, le ramenant à une figure qui a 60 ans. Donc il a, par rapport au pouvoir terroriste d'Ezzelino da Romano, non, un peu plus. Il a le même rapport qu'entre nous et les années 30. Voilà. C'est de ça dont je veux parler. Ezzelino da Romano, pour lui, à ce moment-là, c'est les années 30. Et qu'est-ce qu'il va faire dans Lecherinis? D'abord, le fait que le genre tragique est défini non par son issue malheureuse, en fait l'histoire se termine bien, mais par le style sublime que Dante, dans le De Vulgari Eloquentia, appelle précisément tragicus, fait que au fond, la pièce n'est en fait qu'un long récit entrecoupé par les chants du cœur. C'est ça une tragédie, le fait que le cœur en est évidemment la voix. Les répliques ne sont là que pour relancer la machine narrative. Et la monstruosité politique, effectivement, de celui qui est décrit comme une reprise de Sénèque, Médée, la naissance des Atrides, etc., et Zelino, l'archétype du Théodoric Néron, tout ça s'empile pour faire, au fond, une sorte de d'acmé paroxystique du pouvoir de ce monstre qu'est le pouvoir. Dès la première scène, la mère du monstre, Adeleita, lui avoue le secret de sa naissance. Et Zelino, tu n'es pas né de ton père, mais d'un animal monstrueux sorti des entrailles fumantes de la terre pour posséder la mère du tyran. La tragédie apparaît bien ici comme Dante la définissait à partir d'une étymologie fautive qui en fait le chant Oda du bouc Tragos. Et Zelino s'en délecte, parle, mère, tout ce qui est grandiose et sauvage réjouit mon oreille. Car cette ascendance surnaturel lui promet la démesure dans le mal. Nous serons des juges dignes du tribunal paternel si nous revendiquons par nos actes le royaume de notre père. Guerre, mort, ruine, perfidie, ruse, perdition de tout le genre humain, voilà ce qu'il aime. Et c'est logiquement au cœur que reviennent les derniers mots à l'adresse des spectateurs. Tant que vous le pouvez, soyez donc avertis et apprenez cette loi inébranlable. Alors évidemment, le ventre fécond, la bête immonde, impossible aujourd'hui de ne pas entendre dans l'avertissement d'Albertino Mussato un écho à la lutte universelle contre la barbarie, loi inébranlable. Le poète Mussato, le premier à se faire couronner comme tel, dans une cérémonie publique avant Pétrarque, en cette même année 1315, jouait donc constamment de cette concordance des temps, ne serait-ce que dans le projet d'organiser des lectures publiques, je l'ai dit, annuelles, à Padoue, les Tchérinis. On sait déjà, à ce moment-là, on sait assez d'histoire grecque pour savoir que la tragédie est le champ de liberté qui ne peut s'entonner que lorsqu'on redoute de la perdre. Mais, évidemment, on doit s'interroger sur la lucidité politique de Mussato. J'ai contrasté les deux portraits. J'ai dû dire, ça m'a échappé, traître, trahison, résistance. Mais que dit Mussato de la seigneurie ? Elle n'est rien d'autre pour lui qu'une naissance monstrueuse. Mais c'est pas vrai. Ça commence pas comme ça, une seigneurie. C'est la lente dérive silencieuse de la crise des institutions communales. L'objectiver en monstre de la politique n'est pas la meilleure manière de la penser. Dante, c'est peut-être le méchant de l'histoire, mais il propose une autre voie. Par opportunité politique, peut-être. Il a trouvé refuge à la cour de Can Grande de la Scala. Par engagement, sans doute. Le dessein de Dante est de démythifier les origines diaboliques des Zelino da Romano. Évidemment qu'il le place en enfer, mais il refuse de voir dans sa citadelle dressée vers le ciel un défi adressé à Dieu. Et dans l'enfer où il place les Zelino da Romano, il évoque le lieu où il est né. Et là, on n'est pas du tout le tragique. Il évoque une colline qui n'est pas très haute, d'où descendit jadis une torche qui dévasta cette contrée. Nous naquîmes, elle et moi, de la même racine. Eh oui, il faut entendre ça. Nous naquîmes, elle et moi, de la même racine. Alors comment on fait ? La comédie ? La tragédie ? Oh, j'ai mieux être amoureux que fauvel torché. Le Collège de France et France Culture vous présentent Patrick Boucheron sur les fictions politiques, aujourd'hui, pastiche, postiche et pouvoir parodique. Pour du Zécon de Verrier, pour étanger, pour bel allier, tous seigneurs temporeux et princes y viennent de toute province, et chevaliers grands et petits qui ont enchié son bien fêtis, ni à sachet de roi de comte, ils t'enchaient faux belles et hontes. Vicomte, prévôts et baillis, à bien t'enchaient ne sont faillis. Bourgeois de bourse et de cité, t'enchent par grande subtilité, et vilains de ville champêtre, sont en plein faux belles pour les prêtres. Il existe une troisième forme de fiction politique qui travaille au dévoilement des pouvoirs méchants. C'est la satire, c'est la parodie, c'est le pastiche. Et on a vu ensemble qu'il n'était pas si aisé de démarquer dans une expression l'éloge de Néron, ce qui était de l'ordre de justement de l'acclamation ou de son double parodique. Et on a vu que tous ces personnages d'Alexandre à Baïbar s'étaient flanqués de leur double parodique. Alors, à partir du moment où, effectivement, c'est comme ça qu'on a commencé, on pouvait craindre pour l'aujourd'hui, une baisse d'intensité ou de l'efficacité de l'attaque sceptique ou de l'attaque parodique sur... les pouvoirs autoritaires, il vaut la peine peut-être de compléter le tableau. On pourrait chercher des fictions politiques au premier sens du terme, celui de la politique fiction. Ben, je pense évidemment au roman de Fauvel, qui est le poème allégorique et collectif du XIVe siècle, dont le principal texte a été rédigé en 1314 par Gervais Dubus, chapelain d'Enguerrand de Marigny. Et ça a l'avantage d'être strictement contemporain. On est dans les mêmes années. Dante, Moussato, le roman de Fauvel. Dante et Moussato, évidemment, en Italie, le roman de Fauvel en France. Le roman à clé, la fiction allégorique et satirique. Évidemment, tout cela renvoie à la fable. Et on sait bien que c'est une des manières aussi de se mettre au travers des pouvoirs injustes. Mais quel est le rapport entre la parodie et la satire? Robert Bellon a montré récemment, par exemple, que la branche 16 du roman de Renard, qui est intitulé « Renard empereur », était une réécriture parodique du roman arthurien « La mort, le roi Arthur ». L'argument est le suivant, donc branche 16 du roman de Renard. On est peut-être dans les années 1230. Je reviendrai ensuite au roman de Fauvel que j'ai annoncé. Le roi noble doit combattre en une guerre éclair des païens qui ont envahi son royaume. Pendant ce temps-là, Renard, à qui le roi a confié la protection du royaume et de la reine, parvient au moyen d'une fausse dépêche, d'une fausse nouvelle, à prendre la place de noble, il est fait empereur, il épouse Fière, et à son retour de la guerre contre les païens, noble doit mettre le siège devant son propre château, et Renard, désespérant de briser l'encerclement militaire dont il est l'objet, tente une série nocturne pour tuer le roi pendant son sommeil. L'opération échoue, et Renard est capturé, condamné au supplice. Il est finalement gracié par le roi, le récit s'achève par le récit de l'harmonie initiale. Noble retrouve au palais la reine et Renard regagne Maupertuis, prêt pour de nouvelles aventures. Et ce que montre Robert Bellon, sur lequel je m'appuie ici, c'est que ce trio parodique, Noble, Fier, Renard, il reprend évidemment le trio de Arthurien. Toute écriture renardienne est une réécriture, parce que le conteur et son public connaît toute la geste renardienne et il sait où faire dérailler le récit par ce qu'on appelle la farce, le barat. Mais ici, tout est d'emblée sous l'angle de l'inversion. Renard est allié avec Isengrin, alors que normalement, bon, il n'a pas faim, alors que normalement le roman de Renard est la fiction de la famine. C'est au contraire la reverdie. Bref, nous sommes dans une situation carnavalesque. Et le carnaval, c'est l'inversion licite de la licéité. Le texte renardien semble ici s'auto-parodier, faisant dévier ses propres structures narratives. Nous sommes donc bien là dans une écriture de la série. L'invention de la parodie renardienne est claire. Il s'agit effectivement de s'appuyer sur des modèles littéraires et en reprenant un personnage des premières branches, une image fort dégradée d'un personnage féminin de premier plan, qui est la reine elle-même, fière, qui est le double inversé de Guenièvre dans la mort du roi Arthur. Le conteur de Renard empereur poursuit donc ce qu'on pourrait appeler le travail de sape, qui est commencé par les premiers conteurs du roman de Renard, mais aussi par les derniers des romans arthuriens. Parce que la mort du roi Arthur, c'est la fin du cycle. On est dans les années 1230. Donc, c'est le moment de l'épuisement fictionnel. La mort du roi Arthur, qui clôt brutalement le cycle des continuateurs de Chrétien de Troyes, fait mourir tout le monde. Et à la fin, fait aussi mourir le roman. C'est le roman de la multiplication des tournois, l'aventure chevaleresque semblant s'épuiser dans ses propres simulacres. C'est le roman d'une féodalité envahissante et déréglée, où l'entrelac des liens personnels ne peut épargner le monde arthurien des guerres privées et précipite la catastrophe finale. C'est le roman du retournement même de la figure arthurienne qui était jusque-là la personnification d'un roi soumis à la coutume, qui prend conseil mais ne gouverne pas, qui n'a pas de volonté propre et n'est que le garant d'un code. Bref, en parodiant la mort du roi Arthur, Renard empereur construit un retournement satirique de la mort de la littérature courtoise elle-même. Donc on voit que le retournement parodique de la littérature médiévale, il vise moins les œuvres que les genres. Et voici pourquoi la matière chevaleresque est sa cible principale. Si la fiction politique arthurienne s'épuise dans le retournement parodique, c'est sans doute parce que, justement, il y a là un espace de performativité, un lieu d'inversion, qui ménage une subtile alliance de sérieux et d'ironie. Et c'est avec ces outils-là qu'il faut effectivement pencher vers cette œuvre dont je vous parlais, le roman de Fauvel. Et en s'appuyant sur les travaux de Jean-Claude Multaler, notamment un article paru dans Poétique en 2009 sous le titre « Dévoilement satirique, texte et images dans le roman de Fauvel ». Texte et images parce que la version interpolée, donc datable de 1316-1317 du roman de Fauvel, qui est conservé dans un seul manuscrit, manuscrit 146 du Fonds français de la Bibliothèque nationale de France. C'est un récit, c'est 78 miniatures et c'est 130 pièces musicales qui en font un témoignage exceptionnel d'une sorte de multimédia, c'est-à-dire la collaboration entre, effectivement, de la peinture, de la musique et de la littérature. Et le texte et l'image s'allient pour dénoncer le déclin moral dont souffre la noblesse et le clergé, tous les petites gens. Ça parle de quoi? Eh bien, ça met en scène un cheval, Fauvel, dont le triomphe à la cour du pape et du roi entraîne la société tout entière dans le malheur. La dénonciation satirique recourt à des procédés d'écriture hérité du roman de la Rose, en reconfigurant par le biais de l'allégorie l'actualité politique qui a marqué effectivement la fin du règne de Philippe le Bel. Donc, la critique se couvre du voile de la fiction. Et comment ça s'ouvre? Le prologue, qui est rédigé dès 1310 par Gervais Dubus, qui est un notaire de la chancellerie royale, s'ouvre sur ces divers. À cause de Fauvel, que je vois étrier avec douceur, parce que ça c'est la première image, on voit Fauvel, le cheval donc qui trône, qui est sur avec tous les attributs de la souveraineté, et puis le pape, les rois, etc., qui l'étrient autour. À cause de Fauvel, que je vois étrier avec douceur, sans le blesser, J'ai sombré dans la mélancolie, car c'est une bête fort choyée. On le voit souvent représenté en peinture, mais beaucoup ne savent pas s'il faut y voir moquerie, sagesse ou folie. Et voilà pourquoi, sans équivoque, je dirais de cette bête tout ce qui m'en viendra à l'esprit. D'où vient cette mélancolie? D'où vient cette tristesse? C'est la tristesse de l'incertitude de l'interprétation. Dante était certain de bien distinguer les sens allégoriques de son œuvre, mais pas Gervais Dubus. Il ne sait plus s'il faut y voir moquerie, sagesse ou folie. Et il ne le sait plus parce qu'il voit l'image. C'est le rapport entre le figural et l'allégorique qui déstabilise le texte. Bah, c'est ça qui a fait dérailler le cours aussi, hein, quand on s'est arrêté pendant 3 heures sur l'événement visuel du Léviathan. Donc, le narrateur oscille entre la crainte d'un amusement à ses dépens et la conviction que l'image sert à instruire, sert à commémorer. Donc, tout le roman de Fauvel se donne comme, au fond, un commentaire de cette peinture. Et le lecteur qui tient le manuscrit entre les mains, qui voit la peinture, il est aussi requis par cette indétermination. Ce qui résiste, au fond, dans cette image, devant Fauvel trônant, c'est l'impossibilité du retournement carnavalesque. Parce que, dans la culture médiévale, un cheval ne peut pas être considéré comme ridicule. C'est un cheval couronné. C'est un cheval. C'est pas un âne. Le cheval, c'est le compagnon chevaleresque par excellence. Le public aristocratique, fasciné par Tristan et Lancelot, devait être décontenancé face à la représentation de Fauvel entouré de ses admirateurs. Dans le roman de Fauvel, le monde à l'envers du carnaval, habituellement relégué dans les marges des manuscrits, se retrouve au centre de la page, de l'attention, du malaise. Parce que cette représentation est soumise à des transformations sur le modèle des métamorphoses ovidiennes. Par le recours à l'allégorie, le roman de Fauvel tend, au fond, à visuellement dénoncer un gouvernement, le gouvernement de l'époque, et en même temps créer les conditions de l'incertitude de sa réception, ce qui fera, d'une certaine manière, en effaçant toute analyse conceptuelle à ceux qui gouvernent vraiment, eh bien, un manifeste général contre tout abus de pouvoir, contre n'importe quel gouvernement qui négligerait le bien commun. Au fond, nous savons bien que la violence prophétique de la satire est de dévoilement, qu'elle lève les voiles, qu'elle arrache les masques, mais nous ne sommes plus sûrs que cela suffise, précisément, on l'a dit, quand on ne sait plus comment démasquer les visages qui d'avance se protègent de la satire en se caricaturant eux-mêmes, en s'affichant d'emblée comme une parodie de parodie, comme une fiction qui, d'une certaine manière, fictionnalise par avance notre propre capacité à la déjouer. Dans Un captif amoureux, Jean Genet évoque la fiction politique que constitue pour un homme de pouvoir son identification avec la panoplie qu'il s'est choisie. Le cigare de Churchill, le keffieh d'Arafat et la moustache d'Hitler. La première, quotidienne, l'inexorable obligation de Hitler, c'était de conserver pour le réveil sa ressemblance physique. Le balai de moustache taillé, presque horizontal, chaque brin semblant sortir des narines, la mèche noire illustrée n'ayant pas le droit de se tromper de côté sur le front glacé, pas plus que la croix gammée ne devait tourner ses pattes vers la gauche, l'état coléreux ou cajoleur de l'œil, c'était selon. C'est Jean Genet qui parle. La première, quotidienne, l'inexorable obligation de celui qui veut se ressembler. ce qui est le propre, effectivement, d'un pouvoir qui ne déborde pas de l'image qu'il a de lui-même. Aujourd'hui, vous le savez, ces traits d'identification agissent comme des logos. Cette moustache, la moustache dite brosse à dents, était à la mode dans l'Allemagne des années 20 et était affublée de différents noms, comme Zwei Finger, deux doigts, mais aussi Chaplin Bart, qui renvoyait en fait au personnage de Charlie Chaplin. Parce que vous le savez bien, il y avait une troublante ressemblance avec Hitler, qui était constamment remarquée dans les années 20. Et Chaplin a sans cesse commenté cette troublante ressemblance, prétendant même un jour avoir filmé le dictateur pour se venger d'un vol de moustache, puisque c'est lui qui, le premier, avait porté, ou en tout cas Charlot, avait porté cette moustache. Le grand critique de cinéma André Bazin, dans un article de la revue Esprit, qui s'appelle « Sur le dictateur, pastiche et postiche, ou le néon pour une moustache », 1945. C'est un article de 1945. Et c'est sur celui-là que je voudrais terminer. André Bazin, donc, parle d'un cambriolage ontologique. Ça va bien au-delà de l'anecdote. C'est un texte très profond sur l'une des audaces les plus saisissantes du film « Le dictateur », qui est le sort paradoxal qu'il fait subir au sentiment de déjà-vu et de ressemblance. Si vous vous souvenez, on peut partir de son exergue. Ça commence comme ça, il y a un panneau, et il y a la phrase qui détourne parodiquement l'avertissement qui ouvre toute fiction, toute ressemblance entre le dictateur Hinkel et le barbier juif est purement fortuite. Chaplin joue l'un et l'autre. Dans le film, il est le dictateur Hinkel et il est le barbier juif. Il joue le barbier du ghetto, juif, et le dictateur. Il joue celui qui ressemble à celui à qui il ressemble. À quelques lettres près, Hinkel. Le film s'ouvre par la harangue du dictateur, qui est bien plus que des beuglements, en fait, contrairement à l'idée reçue, c'est pas que comique, c'est, lorsqu'on regarde de près, une critique cinglante de ce que c'est que le langage totalitaire, y compris dans son rapport à l'appareillage technique, les micros qui valsent, etc. Et il se ferme par ce long discours du barbier, discours humaniste, appel aux hommes, qui là se termine sans technique par un écho dans la campagne. Et évidemment, cette fin est bouleversante parce que nous savons que c'est l'entrée de Charlie Chaplin lui-même dans le cinéma parlant. C'est la première fois qu'il parle. Et c'est-à-dire qu'il répond à l'injonction de ceux dans le ghetto qui disent au barbier « Vous devez parler, c'est notre seul espoir. » Donc, l'avertissement du film « Toute ressemblance entre le dictateur Hinkel et le barbier juif est purement fortuite. » Cet avertissement est évidemment ironique, car il faut savoir que l'histoire du tournage du film, c'est celle des pressions constante que la diplomatie allemande a exercée sur les studios américains pour l'empêcher, et ce, depuis 1938. Et lorsque le film sort en 1940 aux États-Unis, le contexte a changé, évidemment, et l'on dit, mais le fait est controversé, que si Hitler avait évidemment interdit le film en Allemagne, il s'en procura une copie et le vit deux fois. Donc à ce moment-là, il n'était pas impossible que les studios qui avaient résisté très lâchement pendant 3 ans à la production de ce film aient exigé la phrase habituelle, hein, toute ressemblance avec la fiction, avec la réalité. Mais non, là c'est toute ressemblance d'un personnage de fiction avec un autre personnage de fiction. qui est plus que ressemblant, puisque c'est le même acteur qui lui-même ressemble à celui dont on ne parle pas, qui est dite fortuite. Il faut comprendre que ce film est d'emblée anachronique. Et c'est pour ça qu'il commence par ce long prologue qui reprend Charlot soldat, un prologue sur la guerre de 14, avec un soldat juif qui est blessé, hospitalisé et qui sort amnésique. Donc, c'est une mémoire qui est placée au devant du film, mais c'est une oublieuse mémoire. Et c'est cela, effectivement, qui nous est donné à voir en 1940 pour les États-Unis, 1945, il sort en 45. En France, par exemple. Donc, la phrase d'avertissement pouvait évidemment se justifier dans le contexte des difficultés qu'a eu Chaplin à tourner son film. Or, elle est détournée parce que la ressemblance entre les deux personnages, qui aurait pu être le moteur de la fiction, est ignorée de bout en bout. Vous savez qu'effectivement, le barbier juif va devenir celui qui fait le discours. À la fin, il y a une substitution finale. Or, même dans cette substitution, personne ne se rend compte que c'est le même. Enfin, en tout cas, qu'il lui ressemble. Ni les habitants du ghetto, qui connaissent évidemment Inkles, mais qui ne font jamais le rapprochement, ni les hiérarques de la chancellerie, alors que certains, comme le commandant Schulz, circulent d'un monde à l'autre, mais eux non plus ne remarquent rien. De quoi est-il question alors? Si cette ressemblance est ignorée. Peut-être de quelque chose de beaucoup plus grave qu'une similitude de moustache. Mais, disait Bazin, d'une vraie guerre d'anéantissement où l'existence d'un protagoniste n'est possible qu'au prix de la disparition d'un autre. Donc, la fiction n'est pas commandée par la familiarité du jeu mimétique, mais par la puissance annulante du double inconnu. Quand il y en a un qui arrive, il ne peut qu'ignorer l'autre parce qu'il s'anéantise. Et voilà pourquoi le film est anachronique, parce qu'il est prophétique dans la conscience de la dimension d'extermination de masse du nazisme, courageux, inutile. C'est évidemment un vertige du discours sur l'utilité ou l'inutilité de la parodie. Et ce qui est saisissant, évidemment ici, c'est le défi à l'assignation. Et notamment quand le barbier prend la parole. On peut y reconnaître, oui, ce qu'Adorno disait de Beckett. Un rire sans comique qui est le contraire, en somme, de la raillerie mauvaise, de la chute. Là, il n'y a pas de chute. Et donc, dans cette crise de la ressemblance, où il n'y aura pas de chute, on ne peut que penser à ce que Klaus Mann écrivait dans « Contre la barbarie ». Je cite « On dirait que les gens sont affublés d'une sorte de répugnance physique contre la vérité. » Je vous remercie. C'était les cours du Collège de France. Vous venez d'écouter le 21 mars 2017 le cours de Patrick Boucheron sur les fictions politiques, aujourd'hui, pastiche, postiche et pouvoir parodique. Sur les sites de France Culture et du Collège de France, vous retrouverez tous les liens et les informations autour de cette diffusion, ainsi que l'ensemble des cours de Patrick Boucheron. Sa leçon inaugurale, « Ce que peut l'histoire » a été publiée chez Fayard en 2016. Il a publié au Seuil en 2013 « Conjurer la peur », Sienne 1338, essai sur la force politique des images. Et chez le même éditeur, il a dirigé « Une histoire mondiale de la France » en 2017. Enfin, il publie courant mai ses chroniques radio « Un été avec Machiavel » aux éditions des Équateurs. Réalisation Anne Sécheret, présentation Mérine Moneghetti. Demain, nouvelle série en compagnie du paléanthropologue Jean-Jacques Hublin, professeur invité au Collège de France. Il interroge les modèles d'apparition d'Homo sapiens. Et dans quelques instants, nous retrouvons les petits matins. Belle journée à l'écoute de France Culture.